sais pas pourquoi, mais tu es toujours là. La nuit dans mon sommeil, le matin au réveil, on me parle de toi. Et partout je te vois, dans toutes mes chansons, il y a ton prénom. Reviens-moi, je t'attends, Sylvie. L'amour ne dure pas, tu ne le savais pas. Tu m'as fait du chagrin, pour moi ce n'est rien. Tu m'as fait satiller au monde sans pareil. Reviens vite à porter.